Le thème du prêche est le message de paix et de miséricorde contenu dans le Livre Saint. L'après-midi, une vingtaine de disciples, français ceux-là, arrivent à l'aéroport d'Oujda. Adnan sera encore une fois leur accompagnateur. Et en fait, même si on ne s'est pas vu pendant des mois, c'est comme si en fait on s'était quitté juste hier. Ouais. Le lien est très très fort. Depuis 5 ans, Raphaël n'a jamais passé un Eid Mouloud ailleurs qu'au Maroc. Il n'a qu'une idée en tête, se reconnecter avec la source. Et il n'est pas le seul. Des dizaines de cars sont déjà là. Les disciples ont afflué de tout le Maroc. Par groupe de 50, ils attendent leur tour pour voir le cheikh. Les abords de la résidence sont rapidement assaillis. Les organisateurs parlent de 70 000 personnes. Un record. في مرحوبي فيها اللهم اخي فيما بيننا اللهم اجعلنا نمثل الطريق في الحال والمقال والله نو دون لو بونور انتيريور اكستيريور اللهم فاس دو نو دي فري سيرفيتور دو لا فوا اون ريبريزونت لا فوا افيك avec le bonheur de la paix de l'intérieur et de l'extérieur, avec notre comportement, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des vrais serviteurs, nous donne la facilité. Défilé incessant, émotion forte, les disciples voient en leur chair un saint homme qui leur dévoile l'esprit de l'islam. اللي علمني الكلمة لا إله إلا الله حب ديال الله سبحانه وتعالى حب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد اللي قدر يدخلك على سيدنا رسول الله ويعرفك مقام نفسك بين العباد وأمام الله وأمام سيدنا رسول الله. Malgré son âge avancé, 82 ans, le cheikh Hamza tient à voir tous ses disciples à chaque Eid Mouloud. Le lien doit être maintenu, vivifié. Encore euphoriques, les disciples se retrouvent autour du déjeuner. Chacun raconte sa visite au maître. Certains ont même pu échanger quelques mots avec lui. Un grand nettoyage et une renaissance à chaque fois. Renaissance, un mot extatique, suscité par une conviction. Le cheikh est dépositaire d'un secret qui lui permet de purifier les cœurs. C'est ce que les soufis appellent le sir, le secret. C'est parce que c'est pas quelque chose qui peut. C'est pas un secret parce qu'on veut pas le dire. C'est un secret parce qu'on peut pas le dire. Parce que ça peut pas s'expliquer. Ça se goûte dans le cœur. Si on parlait du miel, je peux vous décrire le miel, vous dire le miel, ça a tel goût, ça a tel vertu.